le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1977, un Italien nous annonçait que Venise n'est pas en Italie. Venise, c'est chez n'importe qui. Serge Reggiani, chanteur, acteur sublime, est né à Reggio d'Emili, une ville située entre Parme et Modène, à environ 200 km de Venise. Quand Reggiani nous dit que Venise n'est pas en Italie, il veut signifier que nous pouvons faire de chaque lieu de notre vie une petite Venise. Venise n'est pas là où tu crois. Venise aujourd'hui, c'est chez toi, c'est là où tu vas, c'est là où tu veux, c'est l'endroit où tu es heureux. Serge Reggiani ne croit pas si bien dire. À moins que, et c'est probable, il sait très bien ce qu'il dit. Au Moyen-Âge, Venise était partout, entre l'Orient et l'Occident. Une toute petite cité, c'est sûr, mais un centre économique majeur. Et puis, il faut le dire toujours, Venise est dans notre imaginaire. Oui, Venise est partout, alors suivons le sage conseil de Serge Reggiani dans sa chanson « Fais-lui l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers ». Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes intéressés toute la semaine à l'école. Oui, nous sommes à l'école pour sensibiliser à la liberté d'expression, pour enseigner le fait religieux et puis pour s'intéresser à des points du programme scolaire parce que ils sont dans le programme scolaire, bien sûr, mais en réalité, ils nous intéressent tous. Et c'est le cas aujourd'hui avec Venise. Venise, ce n'est pas la taille qui compte. Comment cette petite lagune inhospitalière, oui, c'est tout petit Venise, est devenue cette plaque tournante du commerce médiéval. Et pour nous en parler aujourd'hui, Elisabeth Crouzet-Pavant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste de l'histoire de Venise. Ça tombe bien, professeur à l'université Paris-Sorbonne. Elisabeth Crouzet-Pavant, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le Moyen-Âge de Venise, des eaux salées au miracle de pierre » chez Albin Michel. Vous écrivez dans cet ouvrage, j'aime beaucoup parce que il y a cette idée de lagune inhospitalière. Au commencement était la boue. C'est vrai que vous partez de la boue. Il y a presque quelque chose qui nous relie à la mythologie de Prométhée, de cette boue de Venise. Pourquoi au commencement était la boue ? Parce qu'au commencement était véritablement la boue. Il faut insister sur le fait que ces hommes s'installent dans des étendues liquides qui sont quand même très inhospitalières et qui, où l'eau, la terre se rencontrent, et dans un milieu qui est un milieu qui a une histoire propre et qui évolue constamment au cours des siècles, qui continue à évoluer aujourd'hui. Et l'histoire de Venise est double en quelque sorte. Il y a l'histoire de la sortie vers la mer, l'expansion maritime, l'expansion commerciale, mais peut-être la première dynamique qu'il faut retracer, c'est celle justement de l'aménagement du site, une histoire qui se continue elle aussi encore aujourd'hui, et le fait que des hommes ont fait surgir au milieu de nulle part ou presque de la boue, des roseaux, ce qui a quand même été une des plus grandes cités de l'Occident médiéval. Parce que outre la puissance économique, Venise compte au temps de l'apogée démographique médiévale plus de 110 000 habitants, c'est-à-dire que c'est la troisième ville d'Occident derrière Paris, plus de 200 000, et Milan qui en fait 10 000 ou 15 000 de plus que Paris. Donc il y a cette histoire-là aussi, cette prodigieuse croissance au milieu de rien. C'est une prodigieuse croissance au milieu d'un rien qui donne de Venise ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre imaginaire beaucoup. Bien sûr, la Venise du XVIIIe siècle nous fascine, celle de Casanova. Mais il y a cette Venise médiévale qui est quelque chose d'impressionnant. Il faut rappeler, Elisabeth Crouzet-Pavant, que Venise est incontournable dans les conversations, dès qu'il s'agit de commerce, dès qu'il s'agit de liens entre l'Orient et l'Occident. Il faut toujours passer par Venise, en fait. Il faut passer par Venise, et il faut passer par Venise dès le commencement. Parce que les dernières recherches archéologiques qui illuminent ce qui serait autrement une véritable nuit, hein, c'est-à-dire les premiers siècles de Venise, et de Venise avec un S, puisque Venise n'est au pluriel, donc ces témoignages archéologiques qui illuminent l'histoire de ces petites communautés humaines au 5e, 6e siècle, nous révèlent que déjà, il y a des petits ports et déjà des échanges qui ne sont pas seulement des échanges régionaux, mais des échanges de plus longue portée qui lie cette péninsule italienne à l'Afrique du Nord ou à la Méditerranée orientale. Donc l'aventure commence de suite. Elle commence très tôt. Et avec vous, Elisabeth Crouzet-Pavant, nous allons voyager à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est très important de changer d'échelle dès que l'on parle de Venise pour essayer de comprendre comment ce tout petit territoire, un territoire morcelé, assez inhospitalier, devient ce centre de commerce essentiel. Il faut rappeler d'ailleurs cette particularité de Venise par rapport aux autres villes médiévales où une ville se constitue avec un centre sans doute, mais une enceinte. Il y a une délimitation. Venise n'a pas besoin de se construire ainsi. Non, puisque Venise, je le disais il y a un instant, naît au pluriel. C'est-à-dire il n'y a pas de fondation de Venise, il n'y a pas de noyau urbain préexistant. Ce sont, sur les terres qui étaient plus un peu plus solides, d'abord des communautés qui s'installent. Donc vous avez d'abord un semis en fait de petites communautés à travers la lagune dont il ne reste aujourd'hui pratiquement que des traces, puisque l'histoire de Venise c'est l'histoire en fait de la montée en puissance d'un des archipels, celui de Rialto, qui va capter les hommes, qui va donc capter les richesses et qui va capter aussi le nom, puisque l'archipel de Rialto s'appelle Venise au singulier. Voilà, et donc le nom est là grâce à cette construction, donc à un niveau très très bas, nous sommes sur du local, mais tout de suite une réflexion qui doit s'étendre dans la Méditerranée pour rappeler que Venise dépend de l'Empire byzantin, donc de cette partie orientale de l'Empire romain de Constantinople. Oui, Venise n'est pas en Italie, Serge Reggiani a raison de le chanter, parce que Venise n'a jamais été en Italie, Venise est en Italie seulement donc à la fin du 19e siècle. Venise donc n'appartient jamais ni au royaume lombard, ni au monde carolingien, ni ensuite au Saint-Empire romain germanique, au royaume d'Italie. Venise, au Moyen-Âge, commence par dépendre de l'Empire byzantin, puis s'émancipe peu à peu de l'Empire byzantin, mais conserve de cette appartenance première à l'Empire byzantin des liens particuliers avec la Méditerranée orientale. Et on va le voir aussi parce qu'elle prête ses services, les services de sa flotte à Byzance, cette ville va tôt obtenir des privilèges commerciaux qui permettent justement l'épanouissement de son commerce. Oui, le commerce est essentiel au cœur de l'histoire de Venise, bien sûr. Et ce lien avec l'Empire byzantin, avec Constantinople, permet de comprendre pourquoi Venise a un statut particulier. On va dire que c'est un port byzantin qui se trouve chez nous en Occident. Absolument. Au départ, c'est lorsque le royaume lombard se constitue, Venise demeure en Italie du Nord la seule porte d'entrée en fait byzantine. Et en fait, le rayonnement vénitien doit se comprendre sur deux types de territoires à la fois, les territoires maritimes d'une part, mais d'autre part aussi l'Interland, les territoires continentaux, parce que les Vénitiens en même temps font voyager les produits orientaux très loin dans l'Italie du Nord grâce au Po et grâce à l'ensemble des fleuves qui dépendent du Po. Donc par là même, l'Italie du Nord est irriguée par ces produits qui rentrent par cette porte d'entrée qui est Venise. Et puis Venise qui va chercher des produits très très loin. C'est-à-dire qu'il y a ce commerce donc qui permet, donc vous l'avez dit Elisabeth Crouzet-Pavant, de faire rentrer dans tout l'Occident ce qui vient d'Orient, mais il faut aller les chercher, ces choses-là. Oui, et cela commence, là encore, très tôt. Hein, les dernières recherches montrent donc que dès le 8e siècle, les Vénitiens sont connus pour être des marchands d'esclaves. Dès le 8e siècle, on les voit en Syrie-Palestine. Et la fameuse affaire de la translation réelle ou supposée du corps de l'évangéliste Saint-Marc à Venise, en tout cas, montre que les bateaux vénitiens sont présent à Alexandrie au début du 9e siècle. Donc la projection méditerranéenne est extrêmement précoce. Oui, parce que l'apôtre était en Égypte et puis il a été ramené. Du moins, c'est ce que les Vénitiens croient et font croire à l'Occident, et c'est tout ce qui importe. Hein. La réalité de la translation n'est pas totalement attestée, mais en tout cas, tout l'Occident croit avec Venise que le corps saint est dans la basilique. Et alors dans ce jeu d'échelle entre une vision méditerranéenne, la situation de Venise en Méditerranée, et puis cette vision locale, l'archipel, nous pouvons aller encore au plus petit de l'échelle, dans le palais vénitien. Je vous propose une visite d'un palais vénitien, c'était dans l'émission des Racines et des Ailes en 2009, où Donatella Calabi, qui est professeure à l'Institut universitaire d'architecture de Venise, nous présente ce palais. Et le palais lui-même, j'ai presque envie de dire, est un écho au commerce vénitien dans toute la Méditerranée. Alors vous voyez les marchandises arriver ici, de la rive, et puis à droite et à gauche il y avait les fonctionnaires de la République qui faisaient payer les impôts, les taxes, et puis les marchandises pouvaient entrer dans la maison et elles étaient déposées dans les dépôts à droite et à gauche, et puis en haut il y avait la maison, la véritable maison de la famille, donc des marchands. Pour y accéder, l'escalier d'honneur du palais. À l'évidence, la famille qui vivait ici ne manquait pas d'argent. Au premier étage, le salon de réception. Tous les palais vénitiens étaient conçus sur le même modèle. On s'y réunissait pour parler affaires, mais aussi politique. À Venise, les deux étaient intimement liés. Si vous voyez d'autres villes européennes à la même époque, vous avez les aristocrates d'un côté et les marchands de l'autre. Tandis qu'à Venise, être commerçant et être aristocrate n'est pas incompatible. Au contraire, souvent, et dans la plupart des cas, les deux vont ensemble. C'est-à-dire on est aristocrate et marchand ensemble. Donatella Calabi, donc, qui expliquait comment fonctionnaient ces palais, la construction architecturale d'un palais qui correspond à une vision du commerce, de la société, nous l'entendons, une vision sociale. Elisabeth Crouzet-Pavant, vous les connaissez bien, ces palais vénitiens. Il y a une architecture vénitienne qui, comme toujours, est adaptée à une nécessité. Oui, la ville est un gigantesque entrepôt. D'une part parce que les rives, les quais sont encombrés toute l'année par les marchandises qu'on charge, qu'on décharge, qui passent à la douane, qui sont enregistrées et ensuite qui circulent à travers toute la ville pour être soit entreposés dans les grands greniers publics, le blé, le sel, etc., mais entreposés aussi dans ces entrepôts particuliers qui existaient au ras de l'eau de chacune des maisons. Et en fait, jusqu'à la fin du XVe siècle, les palais vénitiens, en effet, ont ces entrepôts au ras de l'eau. Et c'est au cours vraiment des dernières décennies du XVe siècle que l'on voit les palais abandonner cette fonction commerciale à mesure qu'une part de la noblesse vénitienne se détourne du commerce direct. Cette noblesse peut continuer à avoir évidemment des investissements dans les trafics, mais ne commerce plus directement. Mais il y a en effet ces entrepôts donc c'est ce qu'on appelle la casa fondaco, la maison fondaco, la maison entrepôt. Donc le palais vénitien a cette particularité d'être en même temps un entrepôt. Oui, parce que nous l'avons également entendu dans l'extrait sonore, il y a une proximité entre le commerce et l'aristocratie. En fait, plus que proximité, Elisabeth Crouzet-Pavant, on peut parler d'une fusion au Moyen-Âge. Être aristocrate de Venise, c'est souvent être commerçant. C'est même pratiquement tout le temps au Moyen-Âge être commerçant. Je crois qu'il y a un chroniqueur vénitien qui s'appelle Malipiero qui, à la fin du XVe siècle, définissait la République de Venise comme une maison de commerce qui était en fait dirigée par un des conseils, par le Sénat. En effet, il faut comprendre qu'ici, ce qui devient la noblesse, c'est-à-dire ce qui devient la classe dirigeante, ce qui a la classe sociale, la groupe social qui a le monopole du pouvoir, est un groupe social qui, en même temps, s'est enrichi par les trafics. Ça n'empêche pas ces familles nobles d'avoir des propriétés, des terres, dans la terre ferme proche. Mais la principale source de leur enrichissement, très tôt, c'est évidemment le commerce. Et il y a là une sorte de liaison essentielle qui ne s'interrompt pas et qui va durer, je le répète, jusqu'à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle. Et toujours dans cette recherche du succès de Venise au Moyen-Âge, Elisabeth Crouzet-Pavant, cette construction sociale est un élément explicatif du fait que Venise réussit à imposer sa petite cité comme place de commerce absolument incontournable. Oui, il faut aussi tout de même insister sur le fait que cette nation marchande est aussi une puissance guerrière. Une puissance guerrière avec une flotte de guerre qui va imposer la loi de Venise en Adriatique. Parce que quand même, le succès vénitien et le profit, les profits reposent sur le fait que les taxes sont levées à Venise, que tous les produits sont taxés à Venise et que ces recettes de douane sont extrêmement élevées. Alors comment Venise a-t-elle réussi à imposer ce véritable monopole, c'est-à-dire à obliger en fait le commerce à passer, une grande partie des trafics à passer par son port? Par la force, par la guerre. Hein. Il y a là la conquête de l'Adriatique se fait par temps successifs tout au long du Moyen-Âge. Donc vers l'an 1000, les Vénitiens tiennent l'Adriatique supérieur, le fond du Golfe. C'est-à-dire qu'en fait, ils amènent toutes les cités autour, sur ces littoraux, autour de ce golfe, du fond du Golfe, à se soumettre à la loi de Venise. Puis on passe à la conquête de l'Adriatique moyen, puis le reste de l'Adriatique. Et ainsi, Venise donc tient l'Adriatique. Et la flotte de guerre tient l'Adriatique et oblige, théoriquement, hein, il y a bien sûr de la contrebande, en fait, tous les bâtiments à passer par le port de Venise. Et donc, il y a là le moyen pour la République de lever les taxes, de lever les taxes douanières. Et les recettes de Venise proviennent de là. Oui, parce que c'est cet aspect aussi qui est souvent mis de côté dans cette étude de Venise. Venise, capitale du commerce, c'est l'aspect guerrier. Venise a des bâtiments de guerre. Mais là où c'est intéressant, c'est que ces bâtiments de guerre peuvent être bâtiments de commerce, si besoin. Les navires peuvent changer de destination. Oui, et puis, il y a une sorte, en effet, de liaison très très étroite entre les deux réalités. Pourquoi les convois, ce qu'on appelle les moudes et ces convois de navigation vénitiens, ces lignes régulières de navigation ces convois fonctionnent-ils aussi bien? Parce que justement ils sont protégés, hein, que en cas de piraterie, en cas de menace guerrière, la flotte de guerre, des bâtiments de guerre accompagne les bâtiments de commerce, ce qui fait baisser évidemment les taux d'assurance, hein, et ce qui permet là aussi de faire des profits plus élevés. Et inversement, en cas de difficulté militaire, les bâtiments commerciaux, les galères commerciales peuvent être réquisitionnées, hein, au profit évidemment de la flotte de guerre. Dans ce cas-là, ce sont tous les bâtiments vénitiens qui sont réquisitionnés pour combattre, en particulier contre Gênes, qui est l'ennemi et la rivale commerciale. Voilà, avant que ce soit du côté de la Turquie, enfin des Turcs qu'il faille regarder. Elisabeth Crouzep, avant, vous avez évoqué cette galère, ce navire très particulier. Il serait possible d'écrire une histoire de Venise à partir juste de ces bâtiments, de ces navires qui flottent sur l'eau, parce que ils sont en écho au commerce, ils sont évidemment en écho à la guerre, et puis il y a même un aspect social de ceux qui sont sur ces navires. Oui. Il faut penser que tout de même, voilà, c'est une nation de marins. Donc il y a ceux qui construisent les galères, et ce sont donc des centaines et des milliers d'ouvriers qui travaillent pour la construction navale. Il y a tous ceux qui s'embarquent sur ces bâtiments. Et peut-être, à mon sens, la façon la plus concrète de percevoir cette dimension maritime, en fait, de Venise, c'est de regarder les inventaires après décès, puisque partout, chez les nobles les plus puissants, les moins riches, on retrouve le matelas qui servait à dormir sur le bateau, le coussin que l'on emportait pour dormir sur le bateau, à côté évidemment des cartes, à côté d'autres témoignages plus nobles, hein, de l'activité maritime. Mais on mesure en découvrant tous ces objets qui sont listés, inventoriés par les notaires, donc cette extraordinaire pénétration, hein, de la vie commerciale au plus profond de la société vénitienne. Qui sont ces galériens? Alors, il faut bien voir que à Venise, ce sont des hommes libres, hein, qui qui rament sur les bateaux. Ce qu'il faut bien voir aussi, tout de même, c'est que les galères fonctionnent essentiellement à la voile, hein, à la force du vent, et qu'on se sert des rames pour entrer dans les ports, pour sortir des ports, et en cas, lorsqu'il faut faire des manœuvres. Alors, la difficulté de Venise, à partir de la fin du Moyen-Âge, c'est que malgré tout, les hommes libres commencent à rechigner, à s'embarquer sur les bâtiments, et Venise va faire de plus en plus appel à ses possessions d'outre-mer, hein, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'hommes venus des îles grecques, des possessions vénitiennes qui rament sur les bâtiments de la République. Avec tout un commerce qui se met en place et que nous percevons tout doucement en vous écoutant, Elisabeth Crouzet-Pavant, comme une histoire totale, c'est-à-dire que l'ensemble fonctionne et fonctionne toujours dans la direction du commerce, et ça là nous intéresse, mais cela a déjà intéressé évidemment les contemporains qui portent un regard fasciné sur Venise. Je vous propose d'écouter une lecture par Daniel Königsberg d'un extrait d'un ouvrage écrit à la fin du 15e siècle, en tout cas il commence à être écrit à la fin du 15e siècle et puis il s'enrichit sans cesse. C'est un ouvrage de Marino Sanudo qui réfléchit à Venise et qui nous décrit combien il trouve tout cela merveilleux. Toute chose qui existe et que l'on souhaiterait acheter se trouve. C'est l'une des choses les plus merveilleuses de Venise. De là, on accède au pont du Rialto qui fut construit en 1458 et qui est une prouesse avec ses boutiques qui, parce qu'elles sont bien placées, se louent à prix d'or. Et sous ce pont se trouvent des chaînes que l'on peut ouvrir pour laisser les navires entrer à Venise ou en partir. Sous ce pont coule le Grand Canal et à proximité se trouve le Fondaco, le comptoir des Allemands, où ils habitent et font leur commerce. Dans ce quartier se trouve l'île de Rialto, qui est le lieu le plus riche du monde. Sur le canal, il y a nombre de boutiques qui sont tenues par des seigneurs, puis on arrive à la rive du fer qui s'appelle ainsi car on y vend le métal. À la fin du pont du Rialto se trouve l'office public où l'on pèse toutes les marchandises vendues. Au cœur du quartier du Dorso Duro se trouve un lieu, appelé la Punta, où se trouvent des magasins immenses où toutes les galères, nefs et tous les autres navires de toute taille débarquent leurs marchandises, sauf le vin, qui va à l'estimation pour être estimé, et le sel, qui va dans son magasin spécifique. Daniel Königsberg, dans le cours de l'histoire sur France Culture, lisait un extrait de Marino Sanudo qui commence à rédiger son traité des origines à partir de 1484. Nous sommes à la fin du 15e siècle à Venise. C'est drôlement bien organisé ce commerce-là, Elisabeth Crouzet-Pavant, tel qu'il est décrit. Il y a toute une structure que l'on pourrait presque décliner entre le commerce de Venise au sens le commerce voulu par la cité et puis le tout petit commerce de ces galériens, celui qui rame. Le galérien lui-même peut faire du commerce. Oui, c'est-à-dire tout homme qui s'embarquait sur un des bateaux de commerce de la République avait le droit d'embarquer quelques marchandises qu'il pouvait trafiquer pour son propre compte. Et d'ailleurs, ça explique, alors surtout d'ailleurs au Moyen-Âge central, surtout au XIIe, XIIIe siècle, tout de même la rapidité d'enrichissement de certaines familles. Alors je ne dis pas forcément celui qui... le matelot, mais tout de même, on voit une rapidité d'enrichissement et une mobilité sociale extrêmement forte au XIIe, XIIIe siècle, c'est-à-dire que les profits qui sont réalisés sont tels que des familles émergent de manière très très rapide. Et puis, ce que montrait bien cette description de Sanudo, c'est en fait qu'à Venise cohabitait des trafics de nature extrêmement différente, à la fois donc le vin, le sel, le blé, qui sont évidemment les premières marchandises du commerce occidental, à côté de la soie, des épices, etc., des produits plus précieux. Venise, c'est vraiment le lieu où l'Occident peut se ravitailler aussi bien en blé qu'en sel, qu'en vin, ou qu'en épices. Oui, il y a de tout d'ailleurs, Elisabeth Crouzet-Pavant, vous comparez Venise à une foire. C'est une foire continue. C'est une foire permanente, en même temps d'ailleurs que c'est une... au plan vraiment des marchandises, du ravitaillement, au plan alimentaire, tous les visiteurs étrangers le disent autour de 1500, c'est aussi le lieu où l'on trouve les produits les plus extraordinaires, les plus exotiques. Hein. Les contemporains sont très frappés aussi par cette réalité. L'infinie variété, l'abondance, c'est une sorte de ville de cocagne. Oui, c'est ça, la ville où il est possible de tout trouver. Et puis, il y a quelque chose à Venise qui intrigue les contemporains, mais nous encore aujourd'hui, c'est ce qui vient du bout du monde, évidemment, parce qu'il faut vraiment souligner combien Venise, ce centre, est lié à des routes commerciales. Et ces routes commerciales conduisent très loin. Conduisent très bien, très, très loin, et bien entendu, c'est cet aspect du commerce, hein, le commerce lointain qui a toujours fasciné les historiens, c'est-à-dire évidemment les épices, les tapis, l'encens, la soie, tous ces produits qui arrivent alors par les routes caravanières jusqu'à Alexandrie, jusqu'à la mer Noire. Bon, ça dépend des moments. Certaines routes sont plus ou moins actives selon évidemment la conjoncture politique. Mais les Vénitiens rentrent en contact hein, à Alexandrie, à Constantinople, en mer Noire, avec les autres grands systèmes commerciaux. Et puis il y a évidemment un nom qu'il faut citer, sinon c'est une faute professionnelle. Alors ce nom... Je pourrais dire Marco Polo tout de suite, mais j'ai envie de dire Luis Mariano. Bah oui, parce que Luis Mariano qui chante Marco Polo. J'ai fait claquer comme un drapeau le nom de Marco Polo. J'ai vu les roses disparaître et les dents mille mystères où brille encore plus de diamants que d'étoiles au firmament. J'ai vu tant de merveilles et vu tant de trésors que j'en rêve encore. J'ai vu l'enchantement du soleil, du levant et des nuits de l'Orient. Ah, Luis Mariano qui chante Marco Polo. Marco Polo dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Marco Polo, un nom qu'il faut citer lorsque l'on parle de Venise. Elisabeth Crouzet-Pavant, malgré tout, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. Marco Polo, avec son livre des merveilles, nous retenons que lui, il a tout fait pour, bien sûr. Mais il y a tout un commerce, il y a d'autres Marco Polo derrière le vrai Marco Polo. Oui, et Marco Polo, en fait... Et comme le symbole de cette expansion vénitienne à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle. Hein, c'est sans doute le moment où, grâce à ce qu'on appelle traditionnellement la paix mongole, les Occidentaux, les Latins pénètrent le plus profondément. Hein. Ils vont jusqu'à la mer d'Azov et parfois au-delà. Donc en fait, c'est le moment où les Vénitiens et avec eux les autres Latins ne se contentent plus de fréquenter les ports qui connectait la Méditerranée aux autres grands systèmes d'échange, mais où ils vont beaucoup plus profondément à l'intérieur, alors jusqu'à des territoires continentaux, alors beaucoup jusqu'à Tabriz, mais certains au-delà, hein, et donc certains empruntent ces routes de la soie. Donc Marco Polo est vraiment le symbole hein, de ce moment particulier où il y a en même temps peut-être la plus grande expansion des Vénitiens qui sont partout dans le monde connu. Partout dans le monde connu, ces Vénitiens, Elisabeth Crouzet-Pavant, mais dans ce regard que nous pouvons porter sur Venise, le Moyen-Âge de Venise, des eaux salées au miracle de pierre, c'est le titre de votre ouvrage chez Albin Michel, il y a malgré tout la chronologie à prendre en compte. Le Moyen-Âge est toujours long, ce n'est pas un tout, et puis il y a dans l'histoire de Venise des ruptures majeures, et notamment la prise de Constantinople par les croisés. C'est cette une rupture aussi, ce moment-là dans l'histoire de Venise. Nous l'avons dit, Venise est reliée à l'Empire byzantin, mais cette relation est fracturée. Oui, 1204 marque en même temps un moment de est une chance extraordinaire pour Venise, donc la prise de l'empire byzantin par les Latins et le partage de cet empire par les Latins, une chance telle que beaucoup de contemporains ont commencé à considérer que vraiment les Vénitiens étaient les responsables du détournement de la croisade, qui normalement tout de même aurait dû partir pour reprendre Jérusalem et pas pour aller conquérir Constantinople, qui était une ville chrétienne. Après 1204, tout de même, les Vénitiens vont obtenir... alors, ce que j'ai un peu de difficulté à appeler un empire, mais en tout cas une série de territoires, une série d'îles, de points d'appui, de ports, qui leur permettent vraiment d'assurer mieux encore leur domination, surtout sur la Méditerranée orientale. Donc la relation avec Byzance se fracture. Elle était déjà très entamée depuis la fin du XIIe siècle, parce que en fait, les Vénitiens avaient, dès la fin du XIIe siècle, réussi à cannibaliser le commerce dans l'Empire byzantin. Ils avaient profité des privilèges douaniers qu'ils avaient obtenus pour vraiment mettre la main sur l'essentiel des trafics. Donc, à partir du début du XIIIe siècle, ils ont cet ensemble de chaînes, cette chaîne de postes, d'îles, de comptoirs, qui leur permet vraiment de tenir la Méditerranée et de mieux assurer leur trafic encore en Méditerranée orientale. Ils détiennent des ports qui leur permettent d'assurer leur commerce. Très bien. Mais il n'y a pas que par des micro-territoires que les Vénitiens sur leur commerce, il y a tout un système qui se met en place lié à la finance, à la monnaie, le ducat, lié aux assurances, vous l'avez déjà évoqué, Elisabeth Grosep, avant. Ces éléments de finance sont là aussi pour soutenir le commerce, mais ils ont une influence au-delà même de Venise. Bien sûr, mais là, je crois qu'il faut quand même pas faire trop de patriotisme vénitien. Il faut rendre aux Italiens, aux marchands italiens de manière générale, vraiment la responsabilité de cette invention, qu'on a pu appeler l'invention de l'invention. C'est-à-dire que les Génois, les Florentins sont eux-mêmes... ceux qui élaborent tous ces nouveaux instruments économiques. Donc les Vénitiens là ne font que participer de ce mouvement général de création d'instruments financiers qui vont d'ailleurs servir ensuite à l'Europe très très longuement jusqu'au 16e siècle et même au-delà. Après tout, la lettre de change, on va l'utiliser tout au long de l'époque moderne et encore à l'époque contemporaine, au 19e siècle. Après tout, on part aussi encore avec des lettres de change quand on a besoin donc d'argent lorsqu'on voyage. Donc, il y a tous ces instruments. Alors, que les Vénitiens maîtrisent très bien. Ils sont peut-être moins inventifs que ne l'ont été les Génois ou les Florentins, mais ils maîtrisent très bien tous ces instruments au point qu'au 15e siècle, certains jeunes Allemands d'Augsbourg ou de Nuremberg venaient en quelque sorte en stage à Venise pour apprendre la maîtrise de ces instruments économiques. Et puis toujours dans ce jeu d'échelle que nous faisons aujourd'hui dans le cours de l'histoire, il y a ce regard que nous pouvons porter sur Venise au cœur de la Méditerranée. Et puis hop, nous revenons à Venise. Et là, nous allons y revenir à travers les mémoires de Philippe de Comines qui raconte son émerveillement devant la richesse de Venise. La ville elle-même change. Nous sommes à la fin du XVe siècle. C'est une lecture de Daniel Königsberg. Je fus émerveillé de voir tant de clochers, de monastères, de maisons. On me mena le long de la grande rue qui s'appelle le Grand Canal et qui est bien large. C'est la plus belle rue, je crois, qui soit au monde. Les maisons sont fort grandes et hautes et faites avec de belles pierres. Toutes ont le devant de marbre blanc qui leur vient d'Istrie, à quelques kilomètres de là. À l'intérieur, la plupart des maisons ont deux chambres avec des planchers dorés, de riches cheminées en marbre et de beaux meubles. C'est la plus triomphante cité que je n'ai jamais vue. Philippe de Comines, un diplomate, homme qui porte un regard très particulier sur son temps, celui de la fin du XVe siècle, notamment avec ses mémoires, et qui est fasciné lui aussi par Venise, parce qu'il y a cette volonté par l'urbanisme, par l'architecture de la part des Vénitiens de montrer au monde combien la cité est puissante. Elisabeth Couzep, avant ce jeu en fait qui se construit autour de Venise, du commerce, des marchands et des aristocrates et de la ville elle-même, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui encore Venise conserve une certaine cohérence. Oui, alors ce que montrait d'abord Philippe de Comines, c'est le rayonnement de l'image vénitienne à la fin du Moyen-Âge. Alors, une image qui rayonne, qui a une énergie extraordinaire, parce que la ville est belle, parce qu'elle est miraculeusement construite au milieu des eaux, mais aussi parce que les Vénitiens exploitent cette image. C'est-à-dire que tous les visiteurs, Philippe de Comines compris, sont conduits en visite en fait organisée, justement sur le Grand Canal, à l'Arsenal, où on leur montre comment on construit les navires de la République et comment on construit la flotte qui va lutter contre les Turcs. Conduits aussi dans les magasins des meurtriers, où vraiment certains sont amenés à faire du shopping, hein. Frédéric III, empereur, lorsqu'il est, il revient de son couronnement à Rome, s'arrête à Venise et on l'emmène faire ses courses. On est au milieu du XVe siècle, dans les meurtriers, exactement comme les touristes peuvent les faire toujours ses courses aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut voir ensuite, c'est que cette ville, en fait, change. À l'époque moderne, bien sûr, l'architecture évolue, un certain nombre de palais sont reconstruits. Mais Venise, en fait, dès la fin de l'époque moderne, connaît une sorte de glaciation urbanistique, hein, ce qui fait que la ville aujourd'hui a très peu de monuments contemporains, toute atteinte à l'urbanisme est considérée comme un attentat extraordinaire. Donc cette ville s'est en quelque sorte fossilisée, il demeure l'image qu'elle renvoie finalement est assez similaire, j'entends, au plan de l'urbanisme, à celle qu'elle pouvait renvoyer à la fin du Moyen-Âge ou à l'époque moderne. Quel régal pour l'historienne que vous êtes, Elisabeth Crouzep. Avant d'avoir cette ville comme ça figée, il faut comprendre le pourquoi de ce phénomène qui fait que Venise perd son statut de centre commercial. Parce que voir comment on perd un statut important permet aussi de comprendre sur quoi reposait ce statut. Qu'est-ce qui fait que Venise, peu à peu, est écartée de ses grandes routes commerciales? Alors, c'est une histoire qui est très longue, en réalité. Et là, il faut se garder des clichés, alors contre lesquels Braudel luttait déjà, hein. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas la découverte de la route directe vers l'Inde qui ruine le commerce vénitien. En fait, il y a quelques années très difficiles, lorsque la circumnavigation de l'Afrique se fait, quelques années très difficiles, parce que Anvers, la place d'Anvers va remplacer Venise. Et puis, en fait, dès les années 1520, Venise commence, 1520, 1530, Venise commence à récupérer son rôle. Et au milieu du XVIe siècle, les volumes, par exemple, d'épices qui arrivent à Venise, venant des ports égyptiens, sont à peu près comparables à ceux de l'apogée médiévale. Ce qui a changé, c'est que Venise a perdu le monopole. C'est qu'il y a désormais des concurrents. C'est cela qui change. Et ce qui change essentiellement, c'est donc, en fait, l'arrivée en Méditerranée de concurrents redoutables qui sont les concurrents des marines nordiques, hein. Donc en fait, le déclin vénitien est beaucoup plus lent qu'on a l'habitude de le croire. Le XVIe siècle est tout de même encore un siècle de richesse infinie, aussi parce qu'il y a un rebond industriel vénitien. Le XVIIe siècle est difficile, c'est un siècle de fer. Puis le XVIIIe siècle voit une certaine reprise du commerce vénitien, au moins au plan régional. Donc, bien sûr, il y a cette lutte avec les Ottomans qui renaît et Venise jette toutes ses forces dans ses batailles successives. Bien sûr, il y a la concurrence désormais acharnée d'autres marines marchandes, mais il y a un déclin qui est très lent. En fait, Venise est surclassée. Oui, ça, Venise est surclassée. Vous avez cité Fernand Braudel, grand historien de la Méditerranée, et Elisabeth Crouzet-Pavant. Il y a cet aspect nécessaire toujours à mettre en place. C'est ce temps long, hein, cette longue durée. Et puis, ce regard sur l'ensemble de la Méditerranée, dès que l'on veut comprendre Venise. Je voudrais vous faire écouter un son assez magique. C'est une archive du 6 octobre 1954 à la radio-télédiffusion française. C'est Françoise Sagan qui imagine Venise. Mais alors François Sagan ne pouvait pas anticiper la pandémie, ce que nous vivons. Ça y est, les flux touristiques sont interrompus. François Sagan regarde Venise. Je ne sais pas si vous imaginez vraiment cette place engloutie dans la mer comme dans le silence. Il n'y aura plus un Américain, plus un Leca, plus un touriste. Il n'y aura plus que les pigeons affolés qui ne sauront plus où se poser quand le dernier toit sera recouvert. Les sonneurs de bronze sonneront dans la solitude. La cathédrale elle-même sera pleine d'eau, la mer noiera les anges, les chevaux, les saints. Quant au palais des Doges, je vous montrerai l'assaut de ses marches, comme Othello le fit il y a quelques siècles, aussi furieusement. Les ruelles, elles, seront pleines d'eau, les volets fermés. Il n'y aura plus une fleur, plus un rire, plus une voix. Seulement la voix de la mer. François Sagan qui est autrice de romans sublimes et qui est capable de nous faire rêver et de nous emmener dans une Venise que nous ne pensions jamais voir ainsi, c'est-à-dire une Venise vide, vide de tous ces touristes. Elisabeth Crouzet-Pavant, vous êtes retournée à Venise dernièrement, vous avez vu Venise vide? Venise a été totalement vide pendant en effet les mois de confinement, et le silence en effet a enveloppé la ville. On a entendu que les pas des Vénitiens. L'eau des canaux est redevenue claire. On a aperçu d'abord une méduse et puis même une seiche dans un des canaux de Venise. On a vu un canard se promener dans une ruelle de Carnareggio. Donc la ville en partie a été enveloppée dans le silence et a été rendue aux Vénitiens. Mais en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la monoactivité touristique est telle que les mêmes Vénitiens qui se réjouissent d'avoir retrouvé leur ville se lamentent parce qu'une grande partie de la population est au chômage, et une grande partie de la population maintenant ne dépend plus que de l'activité touristique, puisque c'est devenu la seule industrie de Venise aujourd'hui. Et vous, l'historienne qui connaissez si bien Venise, qui connaissez Venise d'aujourd'hui, mais Venise du Moyen-Âge également. Quand vous marchez dans ces ruelles vides, vous avez sous les yeux le même paysage qu'ont pu voir ces gens du, alors peut-être 17e, 18e siècle, cette Venise-là. Il doit y avoir quelque chose de troublant, évidemment. Oui, c'est très troublant, évidemment magique, parce que la beauté de la ville réapparaît en quelque sorte, parce qu'elle était un peu offusquée normalement par les foules des voyageurs, mais en même temps poignant, parce que les volets sont fermés, parce que les rideaux des magasins sont tirés, et c'est donc une autre image de la mort à Venise qui ne cesse de s'écrire autrement depuis des siècles que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Oui, une Venise qui se fige, une Venise qui était déjà figée, par le passé. Elisabeth Crouzet-Pavant, ce qui nous intéressait aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est ce point qui est au programme scolaire, un point de passage et d'ouverture sur Venise, une puissance maritime et commerciale. Donc, nous avons bien compris comment cette petite lagune inhospitalière devient peu à peu, grâce aux privilèges commerciaux et puis grâce à une vraie politique, un centre commercial majeur. Il faut toujours casser les clichés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est Venise n'est pas simplement une cité commerciale et paisible, elle est guerrière aussi. Vous validez, Elisabeth Crouzet-Pavant ? Absolument. Et que ce n'est pas simplement une puissance maritime. Elle regarde aussi beaucoup sur les terres. Il y a des routes commerciales. Oui. Venise, d'ailleurs, s'est autant battue avec les cités italiennes voisines, justement pour, en particulier Ferrare, plusieurs guerres avec Ferrare, pour s'assurer le contrôle des routes commerciales, le contrôle en particulier de l'accès au Pô, la circulation des produits vers l'intérieur dépendait évidemment une part de sa prospérité. Les produits sont redistribués par la mer, bien sûr, mais aussi par les voies fluviales. Et d'abord, les voies fluviales ont une importance considérable pour la montée en puissance de Venise au 1er siècle. Voilà, une Venise que vous nous avez présentée en ce qu'elle est une puissance maritime et commerciale. Merci beaucoup Elisabeth Crouzet-Pavant. Et je rappelle, le Moyen-Âge de Venise, des eaux salées au miracle de pierre, c'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien, aujourd'hui dans le journal de l'histoire, justement l'histoire pour faire le tri dans nos émotions. Indignation, résignation ou dépression face à l'établissement du couvre-feu, effroi, colère, terreur, dégoût, encore de l'indignation face à la décapitation d'un enseignant, soulagement au moment du déconfinement et culpabilité lorsqu'on nous a reproché de nous être laissés aller au cours de l'été. Les émotions fusent dans toutes leurs nuances face à une actualité à laquelle la créativité ne semble jamais faire défaut. Avec ces montagnes russes émotionnelles vient l'impression d'un alignement de moments historiques franchis les uns après les autres et une confusion face à un bousculement sans fin qui les rend même parfois difficiles à identifier tant elles s'entremêlent. Lorsqu'on fera l'histoire de cette année 2020, quelle est la couleur émotive qui dominera ? Finalement, peu importe, parce que le plus grand obstacle à l'histoire des émotions, c'est bien le temps qui passe. Si les émotions sont fugaces, le sens qu'elles prennent l'est tout autant. Tous les historiens et les historiennes qui s'y intéressent sérieusement s'accordent sur le caractère historique des émotions. Les grands changements historiques influencent nos émotions parce qu'elles affectent notre manière de les ressentir, elles en modifient notre interprétation. Tiffany Watt Smith, qui traque dans la littérature les indices du ressenti, de ses manifestations et des manières de les dire, nous donne quelques exemples dans sa conférence TED. Bâiller à bouche grande ouverte était le signe d'un amour intense au XIIe siècle. La nostalgie n'est plus une maladie aujourd'hui, alors qu'elle l'était au XVIIe siècle. Comme cet étudiant de Bâle que l'on a raccompagné chez lui, en multipliant les prières et les preuves d'affliction devant son état de santé qui faisait craindre le pire, avant que ses camarades ne se rendent compte qu'une fois parmi ses proches, une centaine de kilomètres plus loin, tous ses symptômes de morbidité avaient disparu. L'arrachement à son environnement affectif le tuait, l'y ramener l'avait sauvé. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les technologies de communication et de transport qui nous évitent ce mal de nostalgie. La modernité fait passer le regret de son cercle familial pour un manque d'ambition. Un exemple encore. La célébration du bonheur partout, au travail, à la maison, paraît de toutes les vertus parce qu'il permettrait de prolonger la vie, mais surtout d'être éventuellement agréable aux autres. Au XVIe siècle, c'est pourtant la tristesse qui bénéficiait de tous ces attributs. Des livres de développement personnel encourageaient même à la cultiver en publiant des listes de sujets pour nourrir sa déception. Plus facile de surmonter l'insurmontable quand on maîtrise sa tristesse et qu'on la pratique avec talent. Et puis un matin on réveille, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille. chambre des reines. La joie de vivre, la joie de vivre. Dans l'histoire collective des émotions, dirigée par Georges Vigarello et Alain Corbin, les émotions ne sont pas envisagées comme de simples réflexes. Leur expression, parfois spontanée, est aussi exigée par le collectif, en fonction des attentes culturelles que l'on trouve en face de soi. Au XIXe siècle, la sensibilité devient un outil de partage des idées. Cette tension entre la raison et la sensibilité change avec l'histoire. On en discerne les nuances, les objets, les opportunités. L'univers émotif se fait de plus en plus intime et son impact sur l'itinéraire humain gagne du terrain. Ce monde intérieur se diversifie et écrit aussi l'histoire de notre psyché, de notre conscience du monde, dans laquelle l'affect est partie prenante. Merci Anaïs Kien. On retrouve la page du Journal de l'Histoire sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens. Et une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Toute la semaine, le cours de l'histoire était à l'école pour enseigner le fait religieux, pour sensibiliser à la liberté d'expression des sujets essentiel, pour évoquer des points du programme également, pour parler du prix lycéen, oui, car lire l'histoire au lycée, c'est possible. Des émissions à réécouter, à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, c'est une histoire qui s'écrit avec des pères pèlerins, oui, à bord du Mayflower, et aussi avec des pères fondateurs qui écrivent, eux, une constitution. C'est l'histoire qui se perd dans la guerre de sécession, mais qui se retrouve dans un horizon lointain, le Far West. Le cours de l'histoire s'intéresse au mythe fondateur des États-Unis.